2, 1, 2, 3, 4. Moi c'est John. Moi c'est Bruno. On fait partie du gang des motards. On a un aigle tatoué sur le bras. Moi je l'ai pas dit, mais c'est un chat. On a tout su, pervers le moto, ouais. J'ai une arrêt, j'ai une micro. On est vrai, bon motard. On a jamais fait en histoire. Sauf le soir. Au bar, on s'enfile la bière. Pas de jus de goyave, c'est un conseil de ma mère. À fond de rock, donc écoute Johnny. Même si bon, je préfère Vivaldi. On a nos blousons en cuir noir. Moi j'ai mon déguisement en canard. On est des vrais bons motards. On n'a jamais fait un noir. Chez vous.